sauter, tous les PC sont agités. La soirée est chaude, dem, elles se font tous déboîter. Ma dame est volée, je toute capotée. Tout capoté, 18 panier bébé, 1 mètre à 30 s'il vous plaît. Tant BCB, y'a CB, billet entaché. On sait tout t'es une tasse, écoute tu vas coopérer. DJ madame, FMG, tout est lourd, rien n'est léger. Si tu verses, ça va neiger, t'es chaud pour coquer, coquer. Bien sûr que j'ai chaud de me faire coquer dans la main. Bien sûr que j'ai chaud. Dans les bois, coquet. On va tomber dans les bois.